est au centre de recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Et Aristide Briand, vous l'avez connu? Ah, bien entendu, alors je l'ai connu aussi. Il a cru à la Société des Nations. Il a fondé la sécurité de la France sur la Société des Nations. Et il a inscrit dans l'histoire cette date mémorable de Locarno. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les passants qui longent le Quai d'Orsay à Paris s'arrête rarement devant le monument en bronze noirci qui est accroché à la grille du ministère des Affaires étrangères. Cette sculpture représente une mère et ses enfants placés sous l'égide de la paix protectrice, avec en arrière-plan un bas-relief qui montre une procession de diverses nations, la France en tête, attentives à un message irénique que leur dispense Aristide Briand. L'ensemble fut érigé en 1937, non sans qu'ait surgi à l'époque de vives controverses quant à l'opportunité d'un pareil hommage rendu à cet homme d'État 5 ans après sa mort. Car le sentiment s'intensifiait alors dans le pays d'une montée vers une nouvelle guerre d'un côté à l'autre du Rhin, si bien que les critiques se multipliaient rétrospectivement envers la politique de rapprochement avec l'Allemagne que Briand avait conduite et incarnée au cours des années 20. Dans le même temps, du côté de la droite catholique, les reproches n'avaient pas disparu, bien qu'ils fussent moins virulents, envers celui qui avait porté en 1905 la loi de séparation des églises et de l'État. Je ne suis pas sûr que les piétons actuels du Quai d'Orsay aient tous cette mémoire en tête, et pourtant, ils le devraient peut-être, puisque ces deux sujets de vive controverse retrouvent aujourd'hui une forte actualité. Qu'il s'agisse de la laïcité ou qu'il s'agisse de la construction d'une paix mondiale solide où l'Europe rassemblée et démocratique prendrait pleinement sa part. Je ne crois pas que mon invité soit porté à nier ces échos dans notre présent. Christophe Bellon, maître de conférences à l'Université catholique de Lille et chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po, nous a donné une belle biographie d'Aristide Briand. Nous allons donc évoquer avec lui cette personnalité considérable, ondoyante peut-être, mais plus déterminée dans ses habiletés même que ses adversaires ne l'ont généralement dépeinte. Et d'abord, Léon Blum, 1937. Sans doute, il était humain, exempt non seulement de cruauté, mais de malignité, incapable non seulement de représailles, mais de rancune. Enclin non seulement à oublier les injures, mais à les pardonner. Sans doute, il avait plus de goût et plus d'aptitude pour la persuasion que pour la domination, et son autorité s'exerçait plus volontiers par voie d'ascendant et d'influence que par voie de commandement brutal. Mais il n'était cependant ni naïf, ni ingénu, ni débonnaire. Il n'était pas du tout facile à tromper. Sans nul parti pris de soupçon, il pénétrait par une clairvoyance naturelle les intentions et les arrière-pensées. Il savait clairement, obstinément, ce qu'il voulait. Sous un apparent détachement, il apportait en réalité à ses desseins une ténacité presque entêtée. Et ni la complexité des moyens, ni la sinuosité des approches, ne le détournait jamais du but. À la fin d'une carrière multiple et romanesque, qui avait permis à un de ses contemporains de lui appliquer le mot célèbre, on n'oserait pas rêver comme il a vécu. Il ne proposait plus à sa vie qu'un but unique, la paix. Christophe Bellon, bonjour. Bonjour. Vous connaissiez ce discours de Léon Blum qui a été tenu le 13 juin 1937. Blum va tomber quelques jours plus tard devant le Sénat. Il est président du Conseil du Fonds Populaire. C'est un discours qui intervient peu après l'inauguration du monument dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ignorais effectivement ce discours, mais il... Même vous ? Il recoupe plusieurs des arguments qui sont prononcés à l'égard de Briand et de sa mémoire. À la fois, me semble-t-il, l'image un peu caricaturale qu'on en a et la volonté de la nuancer. Absolument, qui forme un équilibre dans la mémoire collective qui est en train de se construire, qui se construit déjà depuis 5 ans lorsque Léon Blum prononce ce discours. Déjà d'ailleurs, Louise Weiss disait de Briand, dès qu'il ouvrait les yeux, Briand réfléchissait, dès qu'il est fermé, il rêver. Chez lui, méditation et songe s'entrelaçaient sans repos. Si bien qu'on voit très clairement, dans ceux qui l'ont soutenu comme dans ceux qui l'ont combattu, qu'il y a ces deux éléments-là en équilibre dans l'expression continuellement. Comme toujours, il y a une variation forte de l'image du personnage, l'image posthume selon les moments. 1940 et Hitler vont effacer une popularité qui a été immense un certain temps et puis il ressurgira. Lorsque l'Europe commencera de l'Union européenne, la communauté européenne commencera de se constituer. Oui, la France et l'Europe oublient Aristide Briand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et il est vrai que il faudra attendre pour réévoquer ou pour évoquer sa mémoire la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, et on verra au fil des propos de Jean Monnet par exemple, ancien secrétaire général adjoint de la Société des Nations, reparaître Aristide Briand et toute l'œuvre des années 20 qui a conduit finalement à celle de l'après-guerre. Et puis de manière plus contemporaine, c'est lorsque la France retrouvera dans les institutions européennes une certaine aura, je pense notamment avec Jacques Delors à la présidence de la Commission des communautés européennes en 1985, que Briand et sa mémoire, notamment européenne, reviennent, en quelque sorte réévoquent son parcours et tous les efforts qui ont été faits dans les années 20 avant que la crise de 29 ne les efface de la mémoire collective. Alors en fait, quoique la mémoire ait beaucoup évolué et qu'on s'y attache davantage, votre livre en témoigne, Christophe Bellon, il me paraît nécessaire de retracer, de résumer en tout cas cette carrière et de marquer quelles ont été les origines du personnage. Les origines du personnage, issues de la marmite populaire, comme on disait, née à Nantes, qui a grandi à Saint-Nazaire, où les parents d'Aristide sont attirés par la création, la construction des chantiers de l'Atlantique et vont ouvrir un café chantant, comme on disait à l'époque. C'est là qu'il grandit. La Croix Verte, j'observe que c'est la Croix Verte, à ne pas confondre avec la Croix Bleue, qui est un organisme d'aide aux alcooliques. En effet, et où Aristide Briand, à l'écoute très jeune de ce qui se dit dans ces cafés, les cafés successifs de ses parents, va construire une intelligence sociale dont il aura d'ailleurs après besoin. C'est aussi le moment, cette enfance, où va se créer en quelque sorte quelques éléments de sa légende, de débraillé, de nonchalant. On dira plus tard de sans culotte à la recherche d'un pantalon, de celui qui finalement ne peut pas, dans la bouche de ses détracteurs, notamment de ses bientôt ennemis de l'extrême droite d'Action française, ne peut pas, par l'enfance qu'il aurait eue, accéder aux plus hautes fonctions. Le fils du beuglant, dit l'extrême droite. Le beuglant, à l'époque, ce sont les music-halls où on chante très fort. Oui, le beuglant, le café-concert. Alors, on attribue également la fréquentation de ces cafés à des prostituées. C'est ce qui ressort dans aussi un certain nombre de discours qui sont faits à l'encontre d'Aristide Briand. Il aurait grandi sur les genoux des prostituées de Saint-Nazaire, à répéter Léon Daudet, Charles Maurras par la suite. On n'a jamais trouvé trace dans les archives ou les sources, les témoignages de ces dites prostituées. Les cafés sont bien là, l'enfance dans les cafés est bien là. Et en tout cas, le contact avec le peuple et la connaissance qu'il en aura très tôt justifie en quelque sorte peut-être ce caractère précoce dans la compréhension des mécanismes humains. Un lycéen qu'on dit à la fois rapide, intelligent et nonchalant. Oui, toujours assis au fond de la classe, près du radiateur, mais en même temps obtenant le premier prix. Près du poil, oui. Et découvert parce qu'il a ces qualités-là, celles certes d'être nonchalant, mais d'être brillant, si je puis dire, par un instituteur, un professeur, qui va le prendre sous son aile en quelque sorte, une fois la classe passée, et l'aider non seulement à acquérir une culture générale, qu'il a du mal à acquérir, par tempérament peut-être, il n'a pas de connaissances livresques, disait de lui Alexis Léger. Alexis Léger, c'est Saint Jean de Perse, c'est qui a été secrétaire général du Quai d'Orsay, et un de ses hommes proches, pour ne pas dire un de ses hommes liges. Absolument. Et donc, formé également à l'éloquence sur le port de Saint-Nazaire, à travers le vent, essayant de faire porter sa voix jusqu'à ce que le message passe. C'est en tout cas dans ces moments-là de son enfance qu'il considère avoir acquis la formation qui sera la sienne plus tard. Il commence sa carrière comme journaliste, comme avocat engagé, socialiste de fait. Oui, dans les milieux socialisants, à l'époque où les fractions socialistes se réunissent en scission annuelle, il cherche un peu son chemin, en tout cas comme journaliste dans des quotidiens de l'Ouest, l'Ouest républicain par exemple, à Saint-Nazaire, mais également comme avocat, puisque c'est son métier. C'est ainsi qu'il a été formé. Journaliste le soir, avocat la journée, eh bien, il se construit entre ces deux fonctions un métier, comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs de cette époque, avant d'accéder à des fonctions plus politiques qui le conduiront via les bourses de travail de Saint-Nazaire à entrer dans le syndicalisme, puis à rejoindre Jaurès au début des années 90. Cette amitié avec Jaurès est intéressante. Elle va se briser plus tard, mais pour l'heure, c'est un de ses maîtres. C'est l'un de ses maîtres qu'il rencontre à La Petite République d'Alexandre Millerand, puisque de retour à Paris, brillant, en plus de collaborer à La Lanterne, un journal très anticlérical, dont il prendra la tête en 96, eh bien, travaille également à La Petite République. Dans les bureaux de la Petite République, il rencontre Jaurès, une amitié se lie très forte, puisque les deux hommes vont ensemble construire la branche qu'on appellerait réformiste des socialismes, jusqu'à créer, au tout début du XXe siècle, alors que naissent les partis politiques, mais avant la naissance du premier d'entre eux, une structure qu'on appelle le Parti Socialiste Français, qui représente la structuration jaurésiste ou jaurésienne du socialisme français qui, comme on le sait, va s'unir avec la tradition guédiste en 1905. Mais à un moment où cette union se fait sur le principe du non-ministérialisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas, quand on est socialiste, participer à un gouvernement, alors que Briand est déjà du côté du pouvoir. Briand et, si je puis dire, un peu Jaurès, parce que c'est le congrès de l'International à Amsterdam en 1904 qui oblige en quelque sorte les socialistes français à se ranger à des positions telles que la non-participation. On oublie parfois que c'est le même Jaurès, le même Briand qui, alors que le gouvernement Waldeck-Rousseau est formé, défendent, je dirais presque mordicus, la participation d'Alexandre Millerand au ministère du Commerce. Il n'est pas indiscret de dire, Christophe Bellan, que vous nous préparez une biographie de ce grand personnage que fut Waldeck-Rousseau. C'est pas indiscret. Et qui reçoit soutien à la participation, qui reçoit d'ailleurs un autre soutien de poids, pas socialiste celui-ci, mais celui de Clémenceau, qui dit que finalement, c'est un ministère de briques et de brocs, enfin de briques et de brocs, en tout cas bizarrement formé, mais qui aboutira certainement. Après deux échecs aux élections législatives, Briand est élu à Saint-Étienne en 1902, des élections du Bloc des Gauches avec un fort renouvellement du personnel politique. Il est élu en 1902 dans la première circonscription de Saint-Étienne. Il est né à l'embouchure de la Loire, il est élu à la source. Il a fait comme le saumon, en fait, il a remonté le courant. Et il est élu en 1902, parachuté, puisque présent une semaine seulement avant le scrutin dans le département de la Loire. Et élu sur un profil très particulier, puisqu'on l'a souvent traité de renégat. Il est élu, c'est en quelque sorte comme ça qu'il se présente, comme un socialiste modéré. Et c'est comme ça, en fait, que la circonscription peut être gagnable lorsque, au premier tour, il obtient la majorité des voix. Dès la rentrée parlementaire, il s'impose comme un orateur d'avenir, Clémenceau, avec qui ses relations seront pour le moins compliquées dans la suite, pour ne pas dire qu'elles ont été très difficiles. Les deux hommes sont beaucoup opposés. Au début, après un discours de Briand sur les grévistes et les ouvriers, Clémenceau s'écrie « Je viens d'entendre un homme que je ne connaissais pas. Il sera, avant peu, le plus grand talent de cette chambre. » Rien que ça. Ce sont effectivement les premières paroles qu'on ait de Clémenceau sur Briand. Donc, je crois que aussi pour ça, c'est intéressant de les entendre. En effet, il surprend pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en principe, un jeune député ne prend pas la parole dans l'hémicycle si peu de temps après sa première élection. Maiden speech, comme on dit en Angleterre. Nous sommes en effet au mois d'octobre et Briand a été élu quelques mois seulement. Avant. Seulement, effectivement, il a réussi à pacifier déjà une grève des mineurs de Terre-Noire dans sa circonscription de la Loire, et pour cela a reçu les félicitations non seulement du préfet de la Loire, mais de celui qui est encore sénateur du département, ancien président du conseil, Valdec Rousseau, encore lui, en lui disant qu'il est promis à un grand talent. Quelques semaines plus tard, il est vice-président de la commission des congrégations. Et peu de temps après, il va jouer un rôle absolument essentiel dans l'émergence de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. À cet égard, vous faites observer qu'il y a une part de hasard, le hasard d'un tirage au sort. Nous sommes à une époque où le système actuel de fonctionnement du Parlement n'est pas encore complètement le même. Il faudra attendre 1910. Les députés sont tirés au sort dans des bureaux qui eux-mêmes sont chargés de nommer aux commissions. Donc c'est en quelque sorte une arrivée en commission indirecte. Et Briand, en effet, est tiré au sort et se retrouve membre de la commission ad hoc spéciale de séparation des églises et de l'État, alors que d'autres députés qui ont beaucoup travaillé à la question, plus que Briand, je pense notamment à Francis de Pressensé. Eh bien, Francis de Pressensé, qui est un protestant, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme. Oui, qui ne peut, lui, parce qu'il n'a pas été tiré au sort, figurer dans cette commission. Ainsi, le destin d'Aristide Briand est, on le sait maintenant, mais en tout cas, tout tracé. On a tendance à dire que si Briand a fait la séparation a fait Briand. Et c'est ainsi que le reste du parcours acquiert dès lors une large légitimité dans ce moment de séparation. Alors aujourd'hui, où la grande affaire de la laïcité provoque à nouveau beaucoup de commentaires, de controverses, éventuellement de conflits. Il vaut la peine de s'arrêter sur cette loi de 1905 et sur le rôle d'Aristide Briand pour restituer l'atmosphère. Je vous propose une chanson sur l'expulsion des congrégations, période antérieure, période du gouvernement Combe. C'est une chanson écrite par Henri Furcy, interprétée par Robert Rocca, plus récemment, dans les années 1980. C'en est fait, de leur monastère vont partir les congrégations. Nos aimables parlementaires ont décidé leur expulsion. Alors, nous n'aurons plus de moines ? C'est là, justement, la question. Car malgré décrets et douanes, moi, je suis sûr qu'ils reviendront. Car malgré décrets et douanes, moi, je suis sûr qu'ils reviendront. Car l'histoire se recommence, plus ça change et plus c'est pareil. Les protestants proscrits de France furent voir un autre soleil. Après quoi, remplis de vaillance, ils rentrèrent, pas trop fourbus. Et Brisson gouverne la France, vous voyez qu'ils sont revenus. Et Brisson gouverne la France, vous voyez qu'ils sont revenus. Pour les juifs, ce fut autre chose. De tout temps, on les proscrivit. Dans le ghetto, impasse en close, on mit les veilles et les lévis. On les mit souvent à la porte, mais en se faisant tout petits, ils se faufilèrent de sorte que jamais ils ne sont partis. Ils se faufilèrent de sorte que jamais ils ne sont partis. Donc nos pauvres parlementaires font un inutile travail. Ils feraient bien mieux nos affaires en parlant moissons et bétail. Vous verrez, les chambres se suivent, qu'un beau jour, le drôle de cas, reviendront tous ceux qu'ils proscrivent et que seuls ne reviendront pas. Reviendront tous ceux qu'ils proscrivent et que seuls ne reviendront pas. Comment interpréter cela? Pas d'antisémitisme. Furcy lui-même, son vrai nom était Dreyfus. Il y a deux conceptions qui s'opposent à la politique laïque qui se met en place. Celle d'Émile Combes, qui, à la suite de Waldeck-Rousseau, sans d'ailleurs appliquer à la lettre ce que Waldeck a fait, mais en renforçant le trait, eh bien, souhaite durcir le titre 3 de la loi 1901 qui concerne l'interdiction des congrégations religieuses en France, en tout cas celles qui sont les plus élevées contre la République. Combes, d'ailleurs, pour compléter cette loi, fera voter une loi en juillet 1904, entraînant la suppression de l'enseignement congréganiste. Tout ceci entraîne effectivement l'expulsion des congrégations, dans un délai donné certes, mais l'expulsion des congrégations, et on va s'apercevoir qu'avec les années, ces congrégations, certaines mettront un peu de temps à partir, mais d'autres commenceront à revenir. Hein, c'est un peu le sens que la chanson donne à cela. Finalement, à quoi ça sert d'avoir interdit les congrégations, puisque elles reviendront. À cette conception un peu contraignante de la politique laïque, eh bien, s'oppose la tendance d'Aristide Briand, qui, en quelque sorte, va asseoir pour un siècle le caractère libéral que nous connaissons à la laïcité d'aujourd'hui, cette fameuse laïcité à la française. La République assure la liberté de conscience. En gros, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Mais dans le même temps, elle garantit le libre exercice du culte. C'est-à-dire que si l'État, ou si une église, un édifice du culte quelconque, est fermé, si le culte ne peut fonctionner, c'est l'État qui est responsable. Ainsi, cette tendance libérale gagnera sur la première. Combes sera obligé de partir. On oublie souvent que Émile Combes démissionne en janvier 1905, bien avant et la discussion et le vote de la loi. C'est un ministère Rouvier qui gouverne à ce moment-là la France, même c'est si Rouvier, le président n'a pas un grand rôle. Les vrais acteurs, ce sont Briand, à certains égards, mais aussi moindrement, mais beaucoup, Jean Jaurès, Clémenceau et d'autres. Oui, absolument. Brisson, qui est ce Brisson qu'évoque la chanson, rappelez-nous. Brisson est un des modèles des Républicains qui préside la Chambre des députés et qui est certainement celui qui représente, un de ceux en tout cas qui représente le mieux le combat anticlérical en France, tout en faisant respecter dans le cadre des débats parlementaires les tenants de ces deux écoles qui se construisent de la laïcité. Pas une contre l'autre, mais les deux. Et comme Émile Combes, Brisson représente aussi une tradition politique, le radicalisme en France, qui se construit et qui est en quelque sorte la culture politique, bientôt le parti, déjà le parti, qui a inscrit en tête de son programme politique la séparation de l'Église et de l'État. Henri Brisson est président de la Chambre. Président de la Chambre des députés. Alors il y a à l'intérieur des gauches, dans cette élaboration lente, à l'époque on prenait le temps dans ce régime parlementaire, mais on faisait des lois bien rédigées et relativement courtes, le temps de cette élaboration fait émerger deux familles d'esprit à gauche. L'une représentée par Briand, qui est de conciliation, et l'autre par Allard et Jaurès et Briand reproche à Allard de vouloir profiter de cette loi pour refouler l'Église, pour l'obliger à une sorte de schisme à la manière du temps de la Révolution française. Expliquez-nous ça. L'extrême-gauche française est, dans les débats sur la séparation, bien représentée au Parlement par la tendance, je dirais, guédiste, qui, emmenée par Maurice Allard, député du Var, ne voudrait pas seulement la séparation de l'Église, mais la suppression de l'Église par l'État. Briand est obligé de prendre en considération les équilibres politiques. Il sait très bien que avec ce type de politique-là, on ne peut pas aboutir à une séparation qui soit applicable. Ainsi, il le dit d'ailleurs franchement face à Maurice Allard, il y a des curés dans l'Église, il y a des prêtres, il y a même un pape. Que voulez-vous, ce sont des choses qui peuvent écorcher les lèvres de chacun d'entre vous, mais qui correspondent à des réalités. Et ainsi se forme la deuxième culture que Briand représente et qui, avec Jaurès, va, y compris au sens de l'écriture du droit, constituer cet équilibre entre les deux, je dirais, tendances fortes de cette laïcité en construction. D'une part, cette liberté de conscience à laquelle on est très attaché, mais aussi le libre exercice du culte que je citais, c'est-à-dire finalement que le culte doit fonctionner et l'État est garant de son bon fonctionnement. Et c'est un article, le fameux article 4, sur lequel Briand et Jaurès vont œuvrer pour que, tout à fait officieusement, la hiérarchie de l'Église puisse être reconnue dans ce qu'on appelle la formation des associations cultuelles elle-même chargée de faire fonctionner l'exercice du culte. L'extrême gauche est outrée que l'on puisse faire revenir l'Église dans les débats, alors qu'on essaie de la chasser des écoles et de la sphère publique, mais c'est le prix, en quelque sorte, à payer pour que la loi fût appliquée, mais enfin fût votée, mais surtout fût appliquée. C'est en quelque sorte ainsi que l'on forge la laïcité à la française. La loi de séparation, finalement, dans son élaboration, n'est pas une loi de brutalité. Les débats qui mènent à la séparation illustre une forme de brutalité politique, de tension politique, c'est la guerre des deux France. Mais la loi elle-même est un remède à la brutalité et bientôt va apparaître comme, finalement, une séparation libérale, y compris aux yeux de certains catholiques qui pensaient que la loi aurait été bien plus brutale que cela. Il est intéressant aujourd'hui, je pense, de rappeler qu'il y a eu des débats sur les signes extérieurs de la religion, y compris dans la rue. Certains autour de Allard voulaient, par exemple, interdire de porter une soutane. Et Briand, avec ironie, dit « Tout le monde a le droit de porter une soutane, même les prêtres. » Et il ajoute « Comment voulez-vous interdire le port de la soutane ? La combinaison des tailleurs et de l'Église sera telle que le nouveau costume sera suffisamment différent pour distinguer dans la rue un prêtre de celui qui ne le serait pas, en tout cas d'un homme d'Église de celui qui ne le serait pas. Donc le débat sur l'interdiction des signes dits ostentatoires n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, par la suite, le Parlement acceptera des prêtres en soutane, qu'il s'agisse de l'abbé Lemire, ou plus tard du chanoine Kir, ou de l'abbé Groux même, qui est plus connu sous le nom d'abbé Pierre, qui a été député MRP après 1945. En effet, et pendant les débats sur la séparation, il y a deux députés qui siègent déjà en soutane, l'abbé Lemire, député du Nord, qu'on appelle d'ailleurs l'aumônier du bloc des gauches, alors qu'il siège à droite, mais pour montrer quand même que les rapports entre l'Église et la République ne sont pas toujours tendus, et puis l'abbé Guéraud, député du Finistère, qui siège effectivement en soutane au moment des débats sur la séparation de l'Église et de l'État. Qui est plus à droite. Plus à droite, plus proche de l'action libérale populaire. Quels sont les autres échos que vous pourriez évoquer les plus frappants aujourd'hui quant à l'élaboration de cette loi et quant aux débats qui l'ont marqué? Je pense que il est intéressant de voir la concordance entre notre temps et le temps de la séparation sur la notion de politique libérale de laïcité. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est très présent dans les débats passés, et pas uniquement dans l'élaboration de la loi, pas uniquement dans la délibération en séance publique, mais surtout pour la partie de l'application de la loi. On a entendu il y a quelques minutes une archive sonore sur l'application, enfin sur les congrégations religieuses et la politique envers elles. Il y a la loi 1905, on l'oublie régulièrement, est suivie de trois nouvelles lois qui vont tenter de l'appliquer complètement aux catholiques. Les protestants et les juifs, qui sont séparatistes en grande majorité, ont contribué à faire voter la loi 1905, mais les catholiques s'y opposent. Dès 1906, il y a la querelle des inventaires et la loi ne peut pas être appliquée comme elle a été votée. Il en faudra trois nouvelles. Et dans ces trois nouvelles lois, tant dans leur fabrication que dans leur délibération et que dans leur application, la démarche du libéralisme de la République française est très présente. On le retrouve très présent aussi aujourd'hui, concrètement. Pourquoi l'Église catholique, notamment le pape Pie X, s'oppose à l'application de la loi ? Notamment la création de ces associations cultuelles qui devaient servir à une sorte de transfert d'utilisation des églises au profit du culte. Pour qu'il n'y ait pas en effet d'associations cultuelles, l'Église les condamne. Que fait Briand, devenu ministre des cultes ? Ministre des cultes et en même temps de l'instruction publique, ce qui est notable. Ce qui est notable. Eh bien, que propose-t-il ? L'Église s'oppose à la constitution d'associations cultuelles ? Eh bien, l'État propose donc que la séparation fonctionne sans associations cultuelles. C'est la loi du 2 janvier 1907. L'État aurait pu se braquer, au contraire. Il se rapproche de l'Église. Quand l'Église apprend cela, elle s'oppose encore à l'application de la loi en disant « Mais s'il n'y a pas d'association cultuelle, nous allons devoir demander des déclarations, enfin faire des déclarations préalables conformément à la loi sur les réunions publiques de 1881. Et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas déclarer à chaque fois que nous nous réunissons. C'est la loi du 28 mars 1907. L'État en quelque sorte, ira beaucoup plus loin dans le libéralisme à chaque fois. Vous ne voulez pas de déclaration préalable ? Eh bien, la loi 1905 fonctionnera sans association cultuelle et sans déclaration préalable. Ça fait bondir la gauche. Il y a un extrait fameux de la séance du 29 janvier 1907 où Jaurès dit à Briand, écoutez, on ne vous suit plus, où allez-vous ? Dites-le nous. Et Clémenceau, qui est président du Conseil, dit à son ministre, indirectement, la loi que nous avons votée nous a mis dans l'incohérence. J'y suis, j'y reste. Briand se sent désavoué, quitte la séance. Clémenceau le récupère, quelque sorte par le col dans la salle des quatre colonnes, et le ramène au banc du gouvernement en faisant, lui et Jaurès, l'éloge de leur ministre sans lequel la loi ne pourrait pas être appliquée. C'est la dernière fois que Clémenceau fera l'éloge de Briand. Très certainement, mais bien appuyé. Voilà, en quelque sorte, comment cette laïcité à la française, très libérale, s'est formée. C'est en quelque sorte cela que je voudrais mettre en évidence dans la concordance avec notre temps. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je voudrais maintenant que nous en arrivions à la deuxième grande partie de cette évocation de la carrière d'Aristide Briand, c'est-à-dire le fameux pèlerin de la paix. Mais auparavant, il faut évoquer brièvement son rôle entre 1909, quand il devient président du Conseil après Clémenceau, et la fin de la guerre. Il faut rappeler que cet homme a été 11 fois président du Conseil. 11 fois président du Conseil. Et ministre une vingtaine de fois. Et 25 fois ministre, donc à ce titre-là, tenant un record sous la Troisième République. Alors, dans la période considérée, 1909-1919, deux temps, le premier temps, 1909-1914, Briand est quatre fois président du Conseil, et il contribue à construire, en quelque sorte, ce qu'on appelle la démocratie sociale. Il fait voter la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, en 1910. Il veille à ce que, toujours pacifique dans l'âme, en tout cas pour la pacification, les conflits sociaux soient encadrés. Il propose l'arbitrage obligatoire des conflits du travail. Et lors des grandes grèves de 1910, grandes grèves dans les chemins de fer, l'État ne peut pas se servir de ces chemins de fer, eh bien, déjà, il mobilise... Déjà les chemins de fer. Il mobilise les grévistes qui sont en âge de faire leur service militaire pour une durée de 21 jours, ce qui met fin à la grève. Je ne sais pas s'il faut recommander ce principe à quelques dirigeants contemporains. En tout cas, Briand saura s'en souvenir, puisque tumulte à la Chambre, il est traité de dictateur. Vous ne parlerez plus, d'ailleurs il ne peut pas parler, tout le monde monte sur les bancs à gauche, à l'extrême gauche. Et puis finalement, deux jours plus tard, lors de la séance de pacification de l'Assemblée, tu peux dire, Briand aura ces mots, mais vous me reprochez d'avoir mis fin à la grève. Mais la grève a été certes écourtée, sans que la troupe soit envoyée contre les grévistes. À une époque où les grèves étaient plus brutales qu'aujourd'hui, les manifestations aboutissaient souvent à avoir des morts. Est-ce que c'est là qu'il se penche vers la gauche, par-delà la tribune, qui montre ses mains et qui dit « Regardez ses mains, pas une goutte de sang ». C'est lors de cette fameuse séance, un dimanche, à la Chambre des députés, et cette phrase prononcée, il obtient une majorité très forte. La démocratie sociale, c'est aussi une forme de pacification chez Briand qui conduit donc à ces lois, construire une forme de travaillisme à la française, avec des retraites, avec un statut pour les fonctionnaires, etc. Et puis il y a la guerre. La guerre, ce sera le président du Conseil le plus durable du premier conflit mondial, 18 mois au pouvoir, de octobre 1915 à mars 1917. C'est notamment le président du Conseil qui sera à la tête du gouvernement lors de la bataille de Verdun. C'est celui qui va, en quelque sorte, réformer aussi, on l'oublie parfois, la décision politique pendant la guerre, en faisant revenir le Parlement dans le mécanisme de décision politique, évitant que, finalement, le gouvernement se trouve face à l'état-major et seul en face à face avec lui. Le Parlement revient dans la délibération, Briand accepte la mise en place des comités secrets qui permettent aux parlementaires, donc en comité secret, de poser des questions vraiment au gouvernement, notamment au ministre de la Guerre, sans risque pour la publicité des débats. C'est Briand également qui va renforcer le contrôle parlementaire aux armées et qui va permettre aux parlementaires, s'ils le souhaitent, de se rendre dans les lignes de front pour savoir un peu ce qui s'y passe. Et là, il rejoint pour une fois Clémenceau. De fait, qui lui aussi n'a pas cessé d'impliquer le Parlement dans son gouvernement de la France à partir de novembre 17. Mais quand Clémenceau arrive, Briand est forcément marginalisé et il ne retrouve le pouvoir qu'après qu'il a été un de ceux qui a provoqué la défaite de Clemenceau quand celui-ci s'est présenté à la présidence de la République à la fin de ce gouvernement à la fin de 1919. Briand quitte le pouvoir en mars 1917 et en effet, il n'est pas associé au traité de paix en élaboration, traité de Versailles. Il retrouve le pouvoir en 1921, en janvier 21, quelques semaines après la défaite de Clemenceau à l'élection présidentielle. Briand est le principal auteur, en quelque sorte, de l'échec de Clemenceau à cette élection. On avait prêté, il faut le dire, à Clemenceau le mot suivant, si je suis élu, Briand battra la semelle pendant 7 ans à la porte du gouvernement. C'est en effet ce qui est prêté à Clemenceau, c'est certainement ce que pense Briand, ce que craint Briand, car il est un peu frustré, n'est-ce pas, de ne pas avoir été associé à toutes ces négociations de paix. Ceci étant, sur l'élection présidentielle de la non-élection présidentielle de Clemenceau, celle de Deschanel, peut-être juste un mot pour dire qu'il y a plusieurs arguments qui poussent en quelque sorte, qui sont au fondement de l'échec de Clemenceau. La première, c'est en effet l'anticléricalisme. Briand fait les couloirs de la Chambre et dit à qui veut bien l'entendre, notamment à l'autre petit père Combes qui s'appelle Grousseau, député du Nord, si Clemenceau venait à mourir, vous auriez de superbes obsèques civiles. À l'Élysée, ce qui crée un émoi absolument incroyable parmi les parlementaires catholiques. Grousseau se rendant même auprès de Clemenceau pour savoir si c'est vrai. Hein, on a un extrait de Grousseau. Clemenceau, lui, assez outré qu'on ait pu lui poser la question. Première raison, donc, l'anticléricalisme. Mais il y a aussi la raison qui pousse un certain nombre de parlementaires, même malgré l'aura du Père la Victoire, à ne craindre un peu le retour de Clemenceau sur le fonctionnement traditionnel du régime, la libre délibération parlementaire. Est-ce que les parlementaires retrouveront cette libre délibération qui était la leur avant 1914, est-ce qu'ils pourront continuer après 19 à agir ainsi? Briand appuie là-dessus. Et on verra que, par exemple, les parlementaires refuseront de donner au cabinet Legge la confiance dans la nuit. Alors je voudrais que nous montrions maintenant comment progressivement Aristide Briand a pu prendre la figure de pèlerin de la paix et de prophète de l'Europe en constitution. D'abord, écoutez donc ce que Louise Weiss, déjà nommée, nous raconte sur la conférence de Locarno et sur la rencontre entre Briand et Stresemann. C'est une émission que j'emprunte à France Culture le 13 mai 1970. Locarno, vous nous direz après de quoi il s'agit. L'entrée des Allemands à la Société des Nations avait été précédée par les fameux entretiens de Locarno. Et c'est à Locarno qu'a eu la première rencontre physique entre Gustav Stresemann et Aristide Briand. Voilà comment les choses se sont passées. Stresemann est arrivé, raide d'intimidation, dans un col à midonné, un veston de confection et toute son allure d'ancien secrétaire des fabricants de Saxons de chocolat. Aristide Briand entre dans la salle des conférences, considère Gustav Stresemann, s'en fait une opinion, on s'assied et les débats sont ouverts. À ce moment-là, un membre de la délégation allemande, je crois que c'était le sous-secrétaire d'État Schubert, a cru devoir entonner une grande palinodie rappelant aux victorieux que nous étions encore, que les alliés étaient encore, les souffrances que l'Allemagne avait traversées. Si ce discours n'avait pas été interrompu, la conférence était perdue. Elle se noyait dans un contentieux de récrimination et l'esprit qui avait animé les délégations en arrivant au bord de ce lac charmant était noyé. Alors, Briand, tout en regardant Stresemann, a dit d'une façon très nonchalante « Arrêtez, monsieur Schubert. Arrêtez, vous allez tous nous faire pleurer. » À ce moment-là, une lueur de malice a étincelé dans le regard de Stresemann et ces deux parlementaires, qui étaient Gustave et Aristide, se sont parfaitement compris pour le meilleur et pour le pire. les accords de Locarno ont été acclamés dans la ville de Locarno même. Et ensuite, les Allemands sont entrés à Genève, aux acclamations de l'Assemblée. Gustav Stresemann en était grisé. Grisé de bonheur personnel et grisé pour l'avenir qu'il entrevoyait pour sa chère Allemagne, enfin réhabilitée grâce à lui dans son rang de grande puissance. Louise Weiss emploie de façon curieuse le mot palinodie, mais ça n'est pas notre sujet. C'est une personnalité importante, Louise Weiss, qui a été une des premières grandes journalistes femmes, en particulier à la tête de son journal qui s'appelait L'Europe Nouvelle. Elle était proche d'Herriot et proche de Briand, un témoin tout à fait intéressant. Elle a été dans son grand âge, d'ailleurs, présidente d'âge du Parlement européen. Élue sur une liste qui n'était pas très franchement européenne, d'ailleurs, pour le clin d'œil de l'histoire. Alors, rappelez-nous comment Briand est arrivé à Locarno, de quoi il s'agit. Alors, Aristide Briand, dans un premier temps, souhaite l'application du traité de Versailles. Il dit même, je prendrai l'Allemagne, il faut prendre l'Allemagne au collet et lui faire payer les réparations. L'Allemagne doit payer. Et puis, dans le courant de l'été 1921, la France se réunit avec les représentants allemands à Wiesbaden, et là, précisément, les premiers pas d'une bonne volonté allemande d'un meilleur paiement se font jour. Si bien que Briand change en quelque sorte son fusil d'épaule, si je puis dire, et s'oriente vers, alors que l'Angleterre nous tourne un peu le dos, eh bien vers une politique de rapprochement franco-allemand qui va en quelque sorte éclater, surgir lors de du moment Locarno en 1925. À Locarno se réunissent donc les belligérants d'hier. Nous ne sommes quand même que 7 ans après la guerre. Et les motifs de discussion de cette réunion sont pluriels. Mais en tout cas, il faut, dans le respect du traité de Versailles, traiter de la question des frontières. Depuis que le pacte rhénan est discuté, à la suite de ce qu'on appelait le protocole de Genève, qu'Herriot avait bien mis en place, enfin bien élaboré. Herriot, président du Conseil du cartel des gauches en 1924. Il est question donc très sérieusement de faire entrer l'Allemagne, la République démocratique de Weimar, dans la Société des Nations. Mais pour ce faire, il faut que l'Allemagne reconnaisse les traités, le traité qu'elle a qualifié de diktat, rappelons-le. Et notamment la question des frontières. On sait que la question des frontières occidentales ne posera pas beaucoup de problèmes, avec la Belgique notamment et la France, mais que l'Allemagne sera plus gênée de reconnaître ses frontières orientales, notamment avec la Pologne. La deuxième question, c'est l'occupation de la rive gauche du Rhin et de la Rhénanie. Donc, les Allemands voudraient en quelque sorte que les Français, que les Alliés reviennent sur l'article 16 qui oblige l'Allemagne a accepté le passage sur son sol de troupes. Et enfin, donc, il s'agit en quelque sorte de convaincre tous les acteurs du moment de l'entrée de l'Allemagne, quand même, dans la Société des Nations. Ce n'est pas une mince affaire, sachant qu'en France, la classe politique est très divisée. Clémenceau est farouchement opposé à ce que l'Allemagne entre dans la Société des Nations. Mais il est à la retraite, il est en retrait. Il est en retrait. Locarno, donc, comme l'a dit Louise Weiss, le moment Locarno commence sur des paroles très sympathiques et finalement se conclut sur la non-reconnaissance des frontières orientales par l'Allemagne. Mais Briand, que dit-il ? Tant pis. Les peuples auront eu le sentiment qu'avec Locarno, on construisait la paix, on allait construire l'Europe durablement. Nous avons la garantie britannique. Bon, nous avons aussi la garantie italienne. C'est celle de Mussolini. Mais nous avons fait un petit pas vers la paix qu'il faudra contribuer, même si le traité n'est pas complet. Je voudrais peut-être citer juste un petit passage du discours de Briand à la Chambre des députés lors de la ratification des accords de Locarno. « Certes, s'il y avait dans le traité de Locarno, quoi que ce fût qui diminua en rien notre force, notre possibilité de nous défendre, même seule contre la moindre menace, alors je vous dirais ne ratifiez pas. Mais il n'y a rien, absolument rien de tel. Pour le moment, nous n'en sommes qu'à un commencement. Et ce commencement, ce petit germe, il ne faut pas le détruire, il faut le laisser vivre. » Vu d'aujourd'hui, on est sensible au fait que c'est le premier couple franco-allemand. Il y en aura d'autres, Briand et Stresemann. Stresemann, c'est son homologue. Et lorsque Stresemann va mourir prématurément, ce sera la fin d'une période. Mais ça évoque déjà De Gaulle, Adenauer, Giscard d'Estaing, Schmitt, C'est en effet le... Kohl et Mitterrand. C'est en effet le premier couple franco-allemand de l'histoire, qu'on a oublié parce qu'il y a eu la Seconde Guerre, mais qui néanmoins est celui qui va mettre en place les fondements de ce qui se passera après 1945. Sachez que Briand, enfin on sait que Briand et Stresemann sont, s'apprécient énormément, ce sont des amis. Briand dira à la mort de Stresemann, à l'automne 1929, « Je l'aimais bien le bon docteur, je l'aimais bien ». Et ce n'est pas une appréciation vaine, c'est tout à fait là, ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien Angela Merkel que d'autres chanceliers avant elle ont pu témoigner de cette amitié franco-allemande dès la période Briand-Stresemann, dans un discours du 11 novembre 2009. C'est à l'époque le président Sarkozy qui recevait Angela Merkel. Les deux hommes ont été cités dans le discours officiel. De même qu'aujourd'hui encore, à la présidence de la Commission européenne, que ce soit M. Juncker ou la nouvelle présidente Ursula von der Leyen, eh bien, le terme d'Aristide Briand, le mot d'Aristide Briand, le couple franco-allemand Briand-Stresemann est toujours cité. Il y a donc une vraie continuité dans l'histoire entre ces deux, entre ces couples, ce premier couple et les couples contemporains. Et cela prépare naturellement l'espoir d'une constitution d'une fédération européenne, puisque c'est le mot que ne va pas hésiter à prononcer Briand. Et c'est sur ce point que je voudrais, nous sommes en pleine concordance avec notre époque, que je voudrais clore notre conversation, Christophe Bellon. En vous faisant entendre une archive unique, une des rares archives, je crois que c'est la seule, où on entend la voix de Briand, ce qui vous rendra indulgent à l'égard de la qualité du son. Il est président du Conseil, on est le 5 septembre 1929, juste avant le début de la grande crise. Ce n'est pas sans importance. Il s'exprime devant l'Assemblée de la Société des Nations et il appelle les pays européens à condamner la guerre dans les termes que voici. Mesdames, messieurs, premier délégué de la France, je viens cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la Société des Nations. Et s'est constituée. Elle a marché, elle a travaillé, elle a rendu des services, elle a donné confiance. Et aujourd'hui, malgré tout, elle a poussé dans la conscience des peuples des racines trop profondes pour que quelques coups de vent sur le haut de ces frondaisons puissent les branler dans ces fondements. Et il n'est pas douteux que les hommes qui se trouvaient à travailler pour le rapprochement se trouvaient placés entre les coups et ils étaient destinés à en recevoir. J'en ai reçu quelques-uns. Alors, il en a reçu quelques-uns, en effet. Il les ressent de temps en temps, comme il dit, comme des rhumatismes qui se réveillent. En effet, Briand aura, je pense, eu autant de critiques dans ce moment-là qu'il n'a eu de félicitations, de joie, des deux parts d'ailleurs exagérées de la même manière. Locarno conduit au plan d'union fédérale européenne via l'entente internationale de l'acier, par exemple, le pacte Briand-Kellogg, la construction, la tentative d'une construction de paix internationale. Le pacte Briand-Kellogg déclare mettre la guerre hors la loi, et c'est précisément cela que les populations de cette époque-là sont prêtes à entendre. Et puis finalement, la dernière tentative, ce que Locarno a permis finalement en si peu de temps, c'est la présentation de la première forme d'Union européenne fédérale qui est comprise dans ce plan Briand d'Union fédérale européenne que Briand présente en 1929 à la tribune de la Société des Nations, car rien ne s'est fait, hein, précisons-le, de la politique européenne hors de la Société des Nations, donc hors finalement du traité de Versailles. Il se fait le héros des valeurs humaines et culturelles qui seraient communes à l'Europe en disant « Entre les peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. » Et en même temps, il dit qu'il faut préserver la souveraineté des nations en question. Fédération, souveraineté, là, il y a une sorte d'oxymore, non ? Il y a en effet un oxymore qui pas ignoré du personnage, pas plus d'ailleurs que de Stresemann. Les deux les hommes ont dans leur pays respectif des nationalistes à affronter. Enfin, en tout cas, des nationalistes au sens des opposants à la politique de Locarno, même s'ils se réduisent de plus en plus. Et dans cette forme d'ambiguïté ou d'ambivalence d'une fédération, plutôt d'une Europe fédérale qui respecterait la souveraineté des États, rappelons quand même que 27 pays signent. C'est l'Europe des 27 déjà, le projet brillant d'Union fédérale européenne. 27 piles. 27 piles. Enfin, au moment où la Grande-Bretagne s'exprime, en effet, on a, avec le plan brillant d'Union fédérale européenne, qui est proposé en 29, la signature de 27 pays qui s'y rallient, donc une Europe des 27 qui commence à qui se crée en fait, et des pays qui sont observateurs. La Turquie, l'URSS. Et donc une concordance sur ce plan-là. Et puis, n'oublions pas que le plan brillant d'Union fédérale européenne s'est construit dans une relation privilégiée avec l'Allemagne, comme aujourd'hui la France construit l'Europe dans une relation aussi privilégiée avec l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle Briand a eu besoin jusqu'au bout de faire valoir cette amitié et ce couple franco-allemand sur lequel finalement il compte. Après la mort de Stresemann, sont les élections allemandes en 1930, lors desquelles 107 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand. Briand est à la tribune de la Société des Nations en train de prononcer un discours. Un de ses conseillers vient lui dire la nouvelle et il dit « Tout est foutu ». Nous sommes en 1930. Il comprend que sans l'Allemagne, il ne pourra pas faire aboutir son plan. Il le comprend jusqu'à la sortie de l'Allemagne en 1933 de la Société des Nations, où là, pour le coup, mais Briand sera déjà mort, les tentatives de paix des années 20 seront caduques. Je vais vous donner, ce sera notre dernière archive, une interview de Geneviève Tabouy sur Interactualité le 5 septembre 1969 où elle évoque Aristide Briand. Geneviève Tabouy, c'est une, à côté de Louise Weiss, une autre journaliste célèbre. Elle était la nièce des deux grands diplomates qui étaient Jules et Paul Cambon et on disait qu'elle était parfois sous la table. En tout cas, elle raconte ceci avec une énergie et une verve dont vous allez pouvoir juger. C'était le 10 septembre 26. Alors, Briand, en petit veston noir et triqué, comme toujours, avec son pantalon en tuyau de poêle, est monté à la tribune en soulevant des tempêtes d'applaudissements. La France et l'Allemagne ensemble collaborent maintenant à l'œuvre de paix. Alors, le 5 septembre, lorsqu'il est monté à la tribune, une immense acclamation l'a encore salué. Il a parlé très bas, très lentement, et l'auditoire était frémissant. Et renversant pour la première fois le problème, Briand s'est écrié, c'est en traitant les questions sous l'angle politique que les gouvernements pourront résoudre les problèmes de collaboration économique. Entre les peuples géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, devrait exister un lien fédéral. Alors il a eu là beaucoup de succès. Mais après, il avait invité à déjeuner les chefs d'État et les premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères. Et là, ça a été très dramatique. Parce qu'il s'est aperçu que les chefs d'État regardaient tous le fond de leur tasse à café. Personne n'a applaudi. Alors il était désespéré. Et en sortant, il y avait le pauvre Benesch qui était à la porte. Oh, qui lui dit, président, il ne faut pas vous décourager, mais c'est un enterrement de première classe, parce que votre essai de fédération européenne vient trop tard ou trop tôt. Trop tard, parce qu'on est à la fin de l'euphorie européenne. Si vous aviez fait ça tout de suite, l'euphorie aurait transporté les gens. Trop tôt, parce que l'Europe n'a pas pris conscience des conséquences terribles que vont avoir toutes les crises économiques. Aujourd'hui, monsieur le président, il n'y a plus de foi pour soulever nations et individus au-dessus de leurs intérêts. Je rappelle que Beneš était le chef du gouvernement tchécoslovaque. On est là entre le 5 septembre 1926 et le 5 septembre 1929, les trois dernières années très brillantes avant que la crise et, vous le disiez, la mort de Stresemann aboutissent très vite au crépuscule des efforts de Briand, la fin d'une époque. Christophe Bellon. La crise de 29, le crash boursier qui arrive quelques semaines après le discours de septembre 29, la mort de Stresemann qui arrive trois semaines après, en fait, c'est un enchaînement de faits qui effectivement rendent en quelque sorte inopérant, le mémorandum sur l'Union européenne présenté par Briand et rédigé par Alexis Léger en 1930. C'est trop tard. La crise économique n'a pas encore fait son effet en France, mais elle commence à le faire en Autriche notamment et bientôt en Allemagne. En quelque sorte, les dernières tentatives pour construire une paix durable seront vaines. Et symboliquement, Briand meurt peu de temps après. Alors, Briand meurt peu de temps après. Je voudrais vous lire la dernière phrase qu'il ait prononcée sur son lit de mort dans la nuit du 6 au 7 mars 1932, alors que Alexis Léger est à son chevet. « Doutez-vous de la politique mise en place ?» dit Briand à Léger. À la réponse négative d'Alexis Léger, Briand rétorque « Moi non plus, pas davantage. » Mais sont-ils bêtes, nos nationalistes, de n'avoir pas compris à temps que ma politique collective servait, au fond, le rôle moral le plus traditionnel de la France en Europe ? C'est sur ces paroles que, d'après Léger, Briand s'est endormi pour toujours. Peu de temps avant, il avait dit « Nous allons bientôt nous trouver ensemble, enserrés, il parlait de l'Europe, par deux puissances formidables, les États-Unis et la Russie. Vous voyez qu'il faut faire les États-Unis d'Europe. » Reprenant en cela la phrase de Victor Hugo. Victor Hugo, que tout jeune homme, Aristide Briand, avait rencontré dans l'omnibus allant de la Bourse à Passy. En 1895, quelques mois avant la mort de Victor Hugo, les deux hommes s'étaient parlé et Victor Hugo avait dit à Briand en le quittant « Demain, jeune homme, ce sera l'Europe. Pensez-y. » Je pense qu'il a beaucoup pensé à cette phrase lorsque... À la tête du gouvernement et de la diplomatie, il a pu mettre ses idéaux en pratique. André Tardieu, qui est chef du gouvernement et qui prononce l'hommage funèbre, dit qu'Aristide Briand a représenté sans doute cette moyenne de sagesse que les hommes critiquent quand elle s'affirme et regrettent quand elle s'efface. Fin de citation. Merci beaucoup Christophe Bellon. Votre livre s'intitule « Aristide Briand ». Parler pour agir. Je crois que vous avez justifié au long de notre émission ce sous-titre. Le livre a été publié à CNRS Éditions il y a 3 ans, en 2016. Je citerai aussi votre autre ouvrage de 2015 aux éditions du CERF, La République apaisée, Aristide Briand et les leçons politiques de la laïcité. Je tiens aussi à rendre hommage à un livre tout récent, qui est celui de Jean Bobéraud, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la laïcité, de l'histoire des églises et de la laïcité, qui vient de publier le premier tome d'une ambitieuse histoire politique des séparations des églises et de l'État, 1902-1908, sous le titre « La loi de 1905 n'aura pas lieu ». C'est une allusion, bien sûr, à la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux. En fait, elle a eu lieu. Elle a eu lieu et ce livre mérite toutes les attentions. Il est publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme tout récemment. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, et Dieu sait qu'elle est riche sur ces questions. Avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger notre émission. Samedi prochain, nous parlerons des horreurs de la guerre dans la Rome antique. Ce ne sera pas une émission très drôle, mais malheureusement, il y a bien des échos aujourd'hui à cette période dans ce qu'elle a eu de plus sombre. Et je recevrai pour en parler Nathalie Barandon. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille Gavrilov et aussi Claire Poinsignon, réalisée comme chaque semaine par Yaël Mandelbaum, avec Inès de Bruyne à la prise de son, Antoine Vuillose à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.